Nous avons abordé précédemment la conscience comme conscience d'objet, c'est-à-dire au sens où la conscience visait toujours quelque chose. Nous allons nous intéresser maintenant à la conscience de soi, que nous allons mettre en lien avec la notion d'identité personnelle. Le sujet est non seulement conscient des choses qui l'entourent, mais il est aussi conscient de lui-même. La conscience est caractérisée en quelque sorte par une forme de redoublement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'éprouve un certain état mental, par exemple, à chaque fois que je perçois quelque chose, que je désire quelque chose, que je juge un certain objet, un certain acte, eh bien je sens en même temps que je perçois, que je désire, que je juge. J'ai une sorte de connaissance du fait que je suis en train d'avoir conscience de quelque chose. René Descartes considérait en ce sens que tout acte de la pensée était nécessairement connu de celle-ci. Je le cite, par le nom de pensée, je comprends tout ce qui est tellement en nous que nous en sommes immédiatement connaissants. Ainsi, toutes les opérations de la volonté, de l'entendement, de l'imagination et des sens sont des pensées. Donc ce que nous dit Descartes, c'est que à chaque fois que la pensée est active, elle sait qu'elle est active, elle connaît cet acte qu'elle accomplit. Pour Descartes, la pensée ne peut pas s'échapper elle-même, quoique il arrive que l'esprit puisse avoir certaines idées qui ne lui apparaissent pas de façon claire et distincte, mais s'il pense, il sait qu'il pense. Descartes rejette d'une certaine façon la notion d'inconscient, ou du moins il va nous dire que l'inconscient c'est toujours quelque chose de temporaire, et c'est plus encore c'est quelque chose qu'il faut renvoyer aux actes du corps. On peut se rappeler que Descartes a une position dualiste, c'est-à-dire que pour lui, le corps et l'esprit sont deux substances différentes, autrement dit ce sont deux réalités qui ont leurs caractéristiques propres et qui pourraient à la limite exister indépendamment l'une de l'autre, mais il se trouve que chez l'être humain, on a à la fois un esprit et un corps, hein, on a une interaction entre la pensée et la matière, mais chacun a ses propriétés. Et donc l'esprit a cette propriété de savoir, de connaître tous ses actes, et donc si le sujet est affecté par certains états auxquels son esprit n'accède pas, eh bien il faut comprendre que ces états sont à renvoyer au corps et non à l'esprit. Cette position de Descartes lui a valu de nombreuses critiques dès son époque, notamment de la part de Leibniz ou de Spinoza, et par la suite, l'existence d'états et de processus psychiques inconscients, autrement dit inaccessibles à la personne qui en est sujet, a été admise de façon de plus en plus large, de plus en plus étendue, hein, notamment après ce qu'on peut en dire la psychanalyse ou plus récemment la psychologie cognitive. Bon, ce qu'on reverra dans le cadre du cours sur la notion d'inconscient. Alors, sans forcément suivre Descartes jusqu'à soutenir que nous pourrions accéder à la totalité de nos états psychiques, nous pouvons au moins dire que nous percevons une partie de ces états. Voilà. On sait bien qu'on sent quand on sent qu'on sent, on sent qu'on pense quand on pense. Bon, voilà. On a une certaine conscience d'une partie de nos états psychiques. Et à travers la perception de ces états, nous nous faisons une certaine représentation de nous-mêmes. Nous nous faisons une idée de ce que nous sommes et de qui nous sommes. Voilà. C'est aussi ça, la conscience de soi, c'est une forme de. D'une certaine façon, une forme de connaissance. Bon. On reviendra par la suite sur l'idée, est-ce que ça suffit pour dire qu'on se connaît soi-même que d'avoir conscience de soi? Ce n'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, ça nous dit quand même quelque chose de ce que l'on est, et en tout cas, on se forme bien une forme de représentation, une représentation de soi. Alors, la condition de cette conscience de soi, c'est la mémoire. C'est-à-dire la faculté de conserver les états de conscience passés et de se les représenter au présent. Voilà, c'est ça la mémoire. En effet, la conscience, elle peut apparaître comme un flux d'états qui se succèdent les uns aux autres. Voilà, je sens telle chose, puis je pense à telle chose, et les états se succèdent les uns aux autres de façon plus ou moins continue, parfois discontinue. Voilà, on peut avoir des moments de perte de conscience. Bon. Mais le fait est, c'est que si à chaque nouvel état, j'oubliais l'état antérieur, c'est-à-dire si je pensais à quelque chose et puis immédiatement après, j'avais complètement perdu la connexion avec mes états de conscience antérieurs, eh bien en fait, je serais un petit peu paralysé dans une sorte d'instant présent. C'est-à-dire qu'à chaque instant, ce serait comme si je vivais un petit peu séparément de mes autres instants d'existence passée. Il n'y aurait pas de connexion. Et en fait, quand bien même serais-je vivant, ben mes processus organiques se déroulant convenablement, ben je vivrais un peu, dans mon esprit, un peu comme une espèce de pierre, voilà, ou comme une plante. Voilà, plutôt, voilà, une plante, c'est un être vivant, donc voilà, une plante, on a quand même plutôt peu de raisons de penser qu'elle ait une conscience, on ne sait pas, mais enfin, ça semble quand même assez improbable. Bon, ben, la plante, elle vit comme ça, mais sans conscience, sans projection dans le passé, ni dans l'avenir, elle est piégée dans un éternel maintenant. C'est en ce sens que selon Henri Bergson, le sujet conscient se constitue dans ce qu'il appelle la durée, c'est-à-dire le temps vécu par la conscience, qui n'est pas ce n'est pas le temps mesurable, hein, ce n'est pas le temps, ce que Bergson appelle le temps objectif. C'est vraiment un temps de la conscience, le temps vécu, le temps perçu. Et ce temps perçu, il est relatif aussi à l'activité que je fais, mais il dépend en grande partie de ma capacité de mémorisation. Et donc, à partir de mon passé conservé dans l'instant présent, dans mon expérience vécue, je peux me projeter dans l'avenir. Alors, on va citer un petit passage de sa conférence La conscience et la vie. Conscience signifie d'abord mémoire. La mémoire peut manquer d'ampleur. Elle peut n'embrasser qu'une faible partie du passé. Elle peut ne retenir que ce qui vient d'arriver. Mais la mémoire est là, ou bien alors la conscience n'y est pas. Une conscience qui ne conserverait rien de son passé, qui s'oublierait sans cesse elle-même, périrait et renaîtrait à chaque instant. Toute conscience est donc mémoire, conservation et accumulation du passé dans le présent.